Le sable garde nos noms, même quand la voix disparaît. Il enregistre les silences et les renvoie en écho. Sacré, chante avec ton ventre, chante avec ton dos, chante avec ce qu'il reste quand le souffle est parti. Chaque grain ici nous entend, chaque son est gravé, les murs ont des oreilles et elles chantent avec nous. Nous ne chantons pas seuls, nous chantons ensemble. Même ceux qui ne parlent plus chantent à travers nous. Un pas, un chant, une voix, un serment, un souffle, un frère, un cri, une foi. Raïd Esquil est au centre du cercle. Il ne chante pas plus fort, mais sa voix est celle qui tient les autres. Elle ancre, elle pèse, elle porte. Nous avons donné notre eau, nous avons perdu des noms. Mais notre champ s'est étendu, et maintenant il ne s'arrêtera plus. Les murs vibrent doucement, pas par magie, parfois par résonance, par souvenir. Chante pour les absents, on chante pour les brisés. Nous chante pour les tombés, nous chante pour toi. Nous sommes la dune quand elle écoute, nous sommes l'eau quand elle manque, nous sommes la mémoire quand elle insiste. Raïd Esquil ne commande pas, il inspire, son chant est simple. Mais ceux qui l'entendent ne peuvent plus se taire. Raïd Esquil, Raïd Esquil, nous portons ton nom d'envoi. Le souffle du désert passe dans notre poitrine. Il nous traverse, il nous relie, il nous transforme. Ce chant est un pont, ce chant est une corde, ce chant est un bouclier, ce chant est une arme. Tu doutes encore? Ferme les yeux, écoute, ce n'est pas une chanson, c'est un serment millénaire. Fremen, cœur du sel, Fremen, gorge ouverte, Fremen, voix levée, Fremen, poussière vivante. Raïd Esquil ne mourra pas.